Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Et nous allons maintenant en Égypte, dans l'Égypte d'avant les pharaons, il y a plus de 5000 ans. Et déjà, à cette époque, l'or était finement travaillé, comme en attestent des découvertes de bijoux dans les tombes. C'est Marie-Claude Dionne qui nous raconte cette histoire. Bonjour Marie-Claude. Bonjour François. Alors oui, ce soir, ma chronique va parler encore une fois de Tell el-Farka. Pour ceux qui auraient peut-être manqué ma dernière intervention ici à l'émission, je parlais de tombes qui appartenaient à la classe moyenne et les moyens qui avaient été utilisés à l'époque pour être certain qu'elles ne seraient pas pillées. Mais ce soir, je vais plutôt, comme tu l'as mentionné, parler de bijoux, plus précisément de billes en or ou de perles en or qui ont été retrouvées sur ce même site archéologique. Et là, vous ne serez pas surpris si je vous dis que l'or a été longtemps considéré, peut-être même encore aujourd'hui, comme un marqueur de statut particulier social pour de nombreuses sociétés à travers le monde. On trouve les premiers objets façonnés en or sous forme de parures le plus souvent, donc les perles et les billes. Et parmi les plus anciens exemples d'objets en or découverts en Égypte, ben, ils ont été retrouvés à Tell el-Farka et certains sont associés à la culture de la Basse Égypte, qu'on appelle aussi Buto-Mahdi. Est-ce que tu peux nous rappeler les particularités de cette culture, Marie-Claude? Oui, mais tout d'abord, on parle de l'Égypte qui est située près du Delta, donc c'est l'Égypte du Nord, là où ce que le Caire et les pyramides également. Les terres qu'on y trouve là-bas sont fertiles, et puisqu'on y atteint assez facilement la mer Méditerranée, mais il s'agit d'une plaque tournante pour tout ce qui est échange et le commerce. On va retrouver inévitablement beaucoup de vestiges archéologiques qui proviennent d'ailleurs, donc du Levant, entre autres. Cette culture va rivaliser avec celle qu'on appelle la Nagada, que l'on retrouve, elle, dans la Haute-Égypte, donc l'Égypte du Sud. Mm-hmm. Et cette dernière va prendre le dessus éventuellement lorsque les deux Égyptes vont se réunir vers l'an 3200 ans avant Jésus-Christ et qui va lancer la période communément appelée le Bas Empire. Donc, c'est la période avec les premiers pharaons. Et si on revient au site archéologique de Tell el-Farka, il y a des perles qui ont été découvertes et il y a eu une analyse pour en savoir davantage sur leur fabrication. De prime abord, je vous dirais que le constat est que ces perles-là sont de très belles preuves d'une technique avancée d'orfèvrerie. Et les observations mènent aussi à penser que des perles en or auraient toutes une origine commune parce qu'ils sont tous pareils, ils ont la même confection, la même fabrication, c'est le même type aussi de perles. Donc, cette origine commune-là, ben, veut dire qu'on les aurait distribuées sur un vaste territoire grâce justement aux échanges commerciaux. Ouais. Ce qui est fort intéressant, en fait, avec ce genre de découverte-là, c'est qu'elle déconstruit un peu un mythe. On s'était imaginé que cette culture-là de Buto-Mahdi, qui date entre 3900 ans et 3200 ans avant Jésus-Christ, était plutôt modeste. Et on pensait que les trésors d'or dataient plutôt des empires pharaoniques qui va suivre l'unification de la Basse et de la Haute-Égypte. Mais non, en fait, on retrouve des perles en or. Donc, ça démontre quand même que la culture Buto-Mahdi est assez avancée et développée. Toutefois, il faut quand même que je nuance un peu, parce qu'il y a quand même plus d'exemplaires de perles en or avec la culture Nagada que celle de Buto-Mahdi. Et cet état de développement culturel était aussi démontré par les constructions, la haute densité et la planification spatiale à Tell el-Farka, comme tu nous l'avais décrit dans les chroniques passées. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, exactement. Le mois dernier, je vous parlais des techniques de construction funéraire et l'année passée, je vous parlais des constructions en briques crues, mais aussi des mastabas, donc des premiers exemplaires de pyramides et les premières brasseries. Donc, c'est tous des belles exemples d'une société qui est assez développée et complexe. Et ce que l'or retrouvé permet de nous dire également, c'est que c'est un matériau qui était très bien ancré dans la culture égyptienne. Mm-hmm. Je m'explique, c'est qu'on retrouve des objets en or, pas seulement dans les tombes, mais aussi dans les maisons, donc dans les résidences. Ça veut dire qu'on a un aspect domestique avec l'or, mais aussi un aspect funéraire. Donc, c'est donc dire que l'or accompagne les hommes mais partout dans leur vie. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé exactement? Mais il y a eu la découverte de deux figurines représentant des hommes. Pour le moment, il s'agit des plus vieilles représentations de la sorte. En fait, c'est des figurines où le matériau de base nous est inconnu. On pense que c'est du bois qui aurait été recouvert d'une mince feuille d'or. Et il y en a une des deux figurines qui fait 57 cm et l'autre en fait 30 cm. Mais qu'est-ce qu'il y en a? Il y a des fameuses perles d'or. Mais enfin, on en a retrouvé à l'intérieur d'une grande résidence, entre autres, qui datait justement de la période un peu d'unification entre la Haute et la Basse Égypte, donc moins 3200 ans avant Jésus-Christ. Et c'est des billes qui avaient été retrouvées avec 23 autres exemplaires, mais des perles qui avaient été faites à partir de pierres semi-précieuses. Les perles en soi sont en forme de tonneau. C'est une forme qui est très reconnue à l'époque. C'est très populaire. On a un état de préservation excellent. La plus grosse bille retrouvée dans le lot fait 1,2 cm par 1 cm de large. Mm-hmm. Puis les plus petits formats de billes, c'est plutôt de l'ordre de 0,6 cm par 0,8 cm. C'est beaucoup plus petit. Oui. Ce qui est assez impressionnant dans tout ça, c'est la qualité de la bille dans son ensemble. La mince feuille d'or qui recouvre la perle en soi fait à peine, on parle de 0,005 mm. Donc, c'est tout petit. C'est très bien fait. Et la surface de cette couche-là en or, elle est très, très lisse. Et comme les figurines mâles, ben, le matériau des perles, qui était le centre, si on veut, le corps ou le cœur de la perle, mais elle n'est pas connue encore. Donc, on suppose aussi que ce serait du bois, donc un matériau périssable. Et comment l'or pouvait tenir sur l'autre matériau? Est-ce qu'on utilisait une sorte d'adhésif? On peut pas l'exclure, bien entendu, surtout que lorsqu'on on remarque qu'il n'y a justement pas de joint qui permet de tenir quoi que ce soit sur la feuille en or, contrairement aux figurines qui ont été recouvertes d'or, en fait, eux, on voyait des petites traces de rivets. Donc, on savait qu'ils tenaient comme ça pour tenir la feuille en place sur le matériau. Mais malheureusement, pour le cas des billes, il n'y a aucune résine ou d'adhésif organique qui a été préservé à l'intérieur de la feuille d'or. Donc, il est impossible de confirmer si la feuille tenait de cette manière-là. On sait toutefois qu'il y a un effet un peu statique qui permettrait à deux matériaux de tenir ensemble. C'est peut-être cette petite simple force-là intermoléculaire là, qui permet de tenir la feuille et le cœur collés ensemble. Mais un fait demeure, les orfèvres égyptiens avaient beaucoup, beaucoup de talent. Et tu nous parles souvent de la provenance de la matière première dans tes chroniques. Est-ce qu'il est possible de la déterminer avec l'or? Dans le cadre de l'étude précisément, l'article nous révèle que non, en nous disant que c'est pas une chose simple. Toutefois, c'est pas impossible parce que l'analyse d'éléments traces comme le plomb ou l'osmium, peut nous révéler où le gisement en fait, où le gisement était. Donc, c'est contaminant, quoi, c'est ça? Exactement. Toutefois, et c'est probablement le cas pour les exemplaires qui ont été trouvés à Tel el Farka pour le site archéologique, ces éléments-là vont se retrouver dans certains types précis d'or. Donc, c'est pas tout le temps qu'on les retrouve, ces éléments traces-là. Et aussi, pour être en mesure de les déceler dans les exemplaires, les vestiges archéologiques, mais il faut beaucoup d'or pour permettre de l'analyser. Ouais, fait que c'est peut-être pas le cas sur une mince couche comme ça d'or aussi. Les archéologues ont toutefois émis une hypothèse que l'or, la matière première, aurait été peut-être retrouvée tout simplement de façon accidentelle ou aléatoire en se promenant sur le bord du Nil. On pourrait donc penser à de l'or alluvionnaire. Cependant, des récents sondages géologiques ont quand même démontré qu'il y a des gisements d'or qui vont se retrouver dans le désert de la Nubie, plus au sud. Autrement dit, puisque les gisements d'or sont plus au sud, les orfèvres proviendraient probablement de culture Nagada? Oui, exactement, c'est bien dit. C'est une belle preuve, justement, qu'on a un lien économique entre le nord et le sud de l'Égypte aussi. On sait que de nombreux chemins d'échange commerciaux vont exister, comme en témoignent les objets qu'on retrouve qui proviennent du Levant ou d'ailleurs. On en retrouve là, beaucoup au nord de l'Égypte, là, dans le Delta, mais on va aussi en trouver un petit peu partout dans le sud de l'Égypte. Donc, on sait qu'il y a des chemins commerciaux qui existent. Il serait donc pas surprenant pour que de l'or se retrouve aussi parmi tous les biens qui avaient été échangés à l'époque de l'Égypte. Par contre, peut-être pour en être certain, il va falloir connaître davantage les matériaux utilisés. Donc, il nous faudra des analyses métallurgiques sur les objets découverts. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ces voyages dans l'Antiquité sont toujours surprenants. Et d'une certaine façon, après la pause, on va rester dans le temps ancien, mais en sondant les sédiments au fond des lacs. Alors, restez avec nous sur CKRL 89.1 pour découvrir comment.